19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Coincé entre terre et mer, l'Estran, zone de balancement des marées, est un espace en perpétuel mouvement. Très longtemps, trop longtemps délaissé par les archéologues, il est depuis peu l'objet de nouvelles recherches. Il faut dire que le temps urge face à la remontée des eaux marines liée à l'irrémédiable changement climatique. Les côtes françaises sont en effet rongées, notamment durant les violentes tempêtes d'hiver entre Atlantique et Mer du Nord. Ce soir, mes invités sont tout à la fois bretons et normands, puisque pour en savoir plus, je me suis rendu dans le Cotentin, à Urville-Nacqueville, puis tout en haut, à Auderville, avec Cyril Marcini et Anthony Lefort. Nous les retrouverons tout à l'heure. Mais tout de suite, notre premier invité travaille en mer d'Iroise, sur une de ces minuscules îles battues par les vents, Molène. Ivan Payet, bonsoir. Bonsoir. Titulaire de la chaire archéologie maritime et recherche interdisciplinaire environnementale à l'Université de Bretagne occidentale, vous êtes désormais célèbre pour avoir découvert la fameuse carte de Saint-Bélec. Rappelons aussi qu'un colloque INRAP et musée du Quai Branly vient de se tenir. Vous venez surtout de publier un ouvrage magistral, Une maison sous la dune, Beg Ar Loued, Île Molène, publié chez Sidestone Press à Leiden. Ivan Payet, les rivages du Finistère et avec eux ceux de l'Atlantique sont-ils irrémédiablement rongés ? Tout à fait, c'est quelque chose d'assez inéluctable. Alors après, dans le détail, évidemment, certains secteurs sont beaucoup plus attaqués par l'érosion marine que d'autres. C'est quelque chose qu'on observe chaque année. À chaque tempête hivernale, on voit le littoral se faire grignoter et de nombreux sites partir à l'eau. En fait, grâce à un travail conjoint entre archéologues et géomorphologues, on peut faire des modèles prédictifs et on peut savoir sur quel secteur de l'Estran il faut intervenir en priorité parce que les sites concernés vont partir très rapidement à l'eau ou pas. Qu'est-ce que l'on trouve dans cet estran au niveau de l'archéologie ? Des épaves ? Des pêcheries ? En fait, l'archéologie d'Estran est une archéologie un peu particulière, déjà parce qu'on est sur un milieu complètement mouvant, et on va y retrouver deux types de vestiges. Donc d'un côté, des vestiges stricto sensu marins, donc ça peut être des épaves, des choses comme ça, ou éventuellement des structures portuaires, enfin en lien vraiment avec la mer, également des pêcheries d'Estran, donc des barrages pour piéger les poissons. Et puis autrement, on va également retrouver des structures terrestres. Au néolithique, vers 5000 ans avant Jésus-Christ, le niveau de la mer était à peu près 5 mètres plus bas qu'actuellement. Donc on peut apercevoir parfois, au gré des démigrissements de plages, on peut apercevoir des sillons sur l'Estran, montrant qu'il y a eu de l'agriculture. Parfois, pour les périodes un peu plus récentes, pour l'âge du bronze, on peut retrouver des bouts de murs en pierre sèche, parfois qui ont été mal interprétés par les anciens collègues qui pensaient que c'était justement des murs de pêcherie ou autre chose. Mais en fait, on a également sur l'Estran une archéologie terrestre. En fait, il y a les deux qui coexistent. Et puis, on sait par exemple qu'il y a des menhirs et des mégalithes qui ont les pieds dans l'eau. Je pense notamment à Erlanic dans le Morbihan. Il y a aussi les installations de sauniers, notamment gaulois, qui tentent à montrer que ce littoral a été très exploité pour le sel. Dans le Cotentin, certaines zones ont beaucoup reculé. Je vous propose d'écouter Cyril Marcini, que j'ai retrouvé au bord du rivage. Oui, là on est sur une batterie allemande qui est située à Landmer, donc sur la commune d'Urville-Nacqueville. C'est une batterie qui est intéressante, non pas pour son histoire récente, mais parce qu'elle est maintenant bien effondrée sur la plage, et c'est une démonstration parfaite de cette avancée de la mer sur la terre, avec cette érosion littorale qui est très très forte, puisque là du coup on sait que la côte a perdu 40 mètres en 75 ans. C'est-à-dire que les blocos sont dans la mer ? Les blocos sont maintenant dans la mer, ils sont effondrés, ils ont tous pivoté, on n'a plus que le chicot de blocos en fait. Tous les sédiments ont été enlevés par la mer, autour aussi, Et on a comme ça, comme des petites îles qui sont en fait ces blocos, les uns à côté des autres, quoi. C'est des casemates. 40 mètres en 75 ans, c'est absolument gigantesque. C'est un phénomène ponctuel ou c'est un phénomène global sur le littoral français? Alors c'est tout le problème en fait, c'est qu'on a affaire qu'à des choses ponctuelles. Voilà. Ici c'est très fort, pour plein de raisons, parce qu'il y a un enrochement qui a été constitué pour freiner l'érosion et qui en fait l'a accéléré, parce qu'on est sur une anse où la mer bat beaucoup. 200 mètres plus loin, on aura beaucoup moins d'érosion, mais 300 mètres plus loin, on aura encore une érosion plus forte. Donc c'est très très dur de quantifier l'érosion dès qu'on veut la raconter dans le fil de l'histoire. Il y avait un site archéologique, hormis ces vestiges de 1944. Rien que sur les micro-falaises, on voit qu'il y a un site archéologique, parce qu'on voit des murs, on voit des aménagements. Donc il y a un site qui est peut-être pas très vieux, hein, qui est peut-être romain ou médiéval. Mais il y a aussi un site gaulois, puisque mon collègue Anthony Lefort a fait des sondages à quelques centaines de mètres du site là et a sorti des maisons circulaires. Donc on est à nouveau sur un site gaulois en position maritime. Il va être détruit ? Qui lui est déjà pour partie détruit. Quoi. Si Almersini, vous avez fouillé aussi un très beau site en bord de mer, Port-en-Bessin. Oui, c'est une fouille de longue haleine, du coup c'est une fouille préventive qui dure depuis presque 10 ans, qui s'est achevée cette année. Donc c'est un éperon en position littorale qui devait protéger un port qui était situé sur la commune de Port-en-Bessin, donc un port qui existait peut-être dès l'âge du bronze, bronze final, vers moins 1000, et qui a continué d'exister au fil du temps jusqu'à la période romaine. À la période romaine, on a un site romain qui s'installe au tout début de l'époque romaine et qui a l'air de piloter l'économie dans ce secteur du Calvados. Avec des légions romaines. Avec du matériel qui semble lié à des légions romaines. On a du pilum, on a des monnaies d'argent qui circulent parmi les légions romaines. Enfin voilà, on a plein de petits militaria qui nous font dire qu'on a des hommes en armes, probablement des légions romaines. Alors ce site, c'est une énorme butte qui domine d'ailleurs Port-en-Bessin. Il est en bord de mer. Il s'effondre lui aussi ? Ouais, ben, comme tous les sites qu'on a vus aujourd'hui, hein, c'est un site qui est aussi menacé par l'érosion littorale, qui a perdu d'ailleurs beaucoup l'hiver dernier. Alors, il y a un pan de la falaise qui s'est effondré avec une partie du site, hein, une partie du rempart est tombée et quelques structures ont dû finir dans la mer avec les vestiges qui allaient avec. Donc même des sites comme ça qui peuvent paraître très très massifs sont menacés par l'érosion littorale. On est à 50 mètres par rapport au niveau de la mer, donc on est très très haut, mais là c'est... Le problème principal, c'est le substrat. En fait, on a un substrat qui est assez complexe, qui alterne des lits de marne, donc très fragiles, avec des lits calcaires, un peu plus durs. Et c'est la marne qui part avec les intempéries et qui crée comme ça des vides. Et tout s'effondre comme une pile d'assiette, en fait. Et on a des pans qui tombent d'un coup. Mais les gamins du village, au 19e, recherchaient déjà des choses ? Ouais, parmi les auteurs, les antiquaires qui ont écrit sur le site, il y en a un qui mentionne que les enfants de Port-en-Bessin venaient à marée basse récupérer des monnaies au pied du Mont Castel. Alors, je ne sais pas si c'était beaucoup de monnaies, je ne sais pas si c'était une fois. Enfin, voilà, il y a toute une histoire derrière qui est peut-être exagérée, mais en tout cas, c'est fort probable qu'il y ait des monnaies qui traînent sur l'estran après un effondrement de falaise. Retour avec vous, Ivan Payet, pour évoquer Molène. L'île n'aurait pas beaucoup changé depuis le néolithique, hormis l'estran qui aurait été justement beaucoup plus vaste. Toutefois, votre site était à environ 100 mètres derrière le trait de la côte. Où en est-il aujourd'hui ? Actuellement, le site se trouve directement sur le trait de côte. En fait, c'est comme ça d'ailleurs qu'on l'a découvert, puisqu'on l'a découvert lors de prospections qu'on a menées au début des années 2000 dans l'archipel de Molène. Et en fait, on a repéré un petit niveau coquillier qui était attaqué par l'érosion marine. Et c'est pour cela qu'on a fouillé à cet endroit-là et qu'on est tombé ensuite sur l'habitat qui nous a occupé pendant une décennie à peu près. Le site, à l'âge du bronze ancien, en fait, se trouvait à peu près à 200 mètres du rivage de l'époque. La partie terrestre n'a pas changé énormément, mais en effet, les estrans de l'époque, de l'âge du bronze ancien, était largement plus étendu et c'est vraiment de cet espace-là, cet espace mouvant, l'estran, qui a perdu de l'espace. Le terrestre, beaucoup moins. En revanche, évidemment, si on s'intéresse à l'aspect paléo-environnemental de l'île à l'âge du bronze ancien ou au néolithique, il y avait encore des bosquets qui étaient maintenus, donc ça fait quand même un changement drastique avec ce qu'on peut voir actuellement sur l'île qui est en fait couverte par soit de la lande ou enfin des pelouses aérolines, enfin de la végétation très rase. Et donc, il n'y a plus du tout de bosquets, ni de ripisylves, ni de bosquets de chênaies avec quelques noisetiers, comme il pouvait y en avoir encore à l'âge du bronze ancien. Il faut dire que la mer est remontée d'environ 3,60 m depuis cet âge du bronze. Ce que vous avez surtout mis en évidence, ce sont deux maisons de pierre vieilles de 4000 ans. C'est ça. En fait, dès la deuxième année, on a eu la chance, en faisant un sondage un peu à l'arrière du trait de côte, de mettre en évidence un bout de parement de mur. bon, un peu en arc de cercle. En étendant la fouille très rapidement, on a vu que, étant donné les vestiges qu'on y découvrait, qu'on n'avait pas à faire, parce qu'au départ on se disait mais c'est peut-être une tombe, tout simplement un cairn ou quelque chose comme ça, comme il y en a finalement beaucoup connu en Bretagne. Et en fait très rapidement on s'est rendu compte que, vu, étant donné les vestiges qu'on mettait au jour, des poteries très morcelées, des restes de faune en grand nombre, on avait affaire à un habitat, et c'est ce qui s'est confirmé au fil des campagnes, puisque on a fini par dégager les plans complets de deux maisons quasiment superposées, en fait. Ce que vous avez mis en évidence, c'est visiblement une économie à large spectre, mêlant élevage, culture et prédation. Tous les environnements étaient exploités? Oui, tout à fait. On va dire que les deux piliers de l'économie sur Molène, ce sont l'élevage et l'agriculture. On a une attestation d'élevage d'ovidos et caprinés, ça c'est certain. Après, pour tout ce qui est bœufs qui étaient présents ou cochons, les archéozoologues ne peuvent pas dire s'il y a eu élevage in situ, mais en tout cas, voilà, ils étaient présents également. Les bœufs servaient de force de travail, et autrement, l'agriculture est attestée également par différentes céréales, de l'orge, du froment, et puis aussi des fèves. La particularité de Beg-Arlued est une contribution inattendue des caprinés dans une économie animale, avec une sorte de mise en évidence de l'exploitation du lait. Oui, tout à fait. C'est les travaux de Polinano qui ont mis en évidence ceci. Globalement, les brebis mettaient bas et les jeunes étaient abattus très tôt pour leur viande, de manière à ce que les femelles puissent donner un maximum de lait. Et donc, en fait, clairement, on voit bien que l'élevage est tourné vers une surproduction du lait, et cette surproduction du lait ne peut s'expliquer que si on a justement besoin de faire des produits secondaires avec le lait, notamment du fromage, par exemple. Tout comme ce qui a été mis en évidence pour le séchage ou séchage-fumage des poissons, et notamment des plus gros individus pêchés, va dans le sens à la fois d'une économie pour nourrir les habitants du hameau, mais également des échanges très certainement avec les autres groupes qui vivaient sur le reste de l'archipel, voire même sur le continent. En tout cas, je vais vous poser une question peut-être un peu inattendu. N'y aurait-il pas eu de la consommation d'algues pour le bétail, à l'image de ce que Anne Tresset avait mis en évidence dans les îles Orcades, et qui témoigne donc d'une remarquable capacité d'adaptation? Vous y avez pensé? Bien sûr, avec Anne, évidemment, c'est quelque chose qu'on a longuement discuté. Et puis, on a aussi observé pas mal ce qui se passait sur Kéménès, puisque à l'époque, sur Kéménès, il y avait un petit troupeau de moutons qui étaient laissés en libre pâture, et donc qui allaient eux-mêmes naturellement brouter des algues sur l'estran. Et évidemment, c'est quelque chose qui est très bien connu dans les Orcades et dans les Shetland, qui est très très bien documenté, à la fois pour les périodes modernes, contemporaines, et également pour le néolithique. En revanche, pour l'instant, on n'a pas d'analyse isotopique qui ont permis de démontrer que les moutons en fait consommaient des algues, par exemple en hiver, quand il n'y avait pas beaucoup de foin. Peut-être que dans les années à venir, on va pouvoir lancer ce genre d'analyse, parce qu'on aura davantage aussi de dents. En fait, pour pouvoir faire ce type d'analyse, il faut disposer de dents bien conservées, de manière à mener des analyses isotopiques. C'est un projet à venir. J'espère qu'on va pouvoir le réaliser. Vous avez un peu de phoques, du rorqual, des oiseaux, mais il n'est pas du tout sûr que la communauté insulaire ait consommé du goéland argenté ou du macareux. Les alcidés, en règle générale, c'est vraiment des oiseaux qu'on retrouve assez fréquemment dans les tableaux de chasse, en tout cas dans la faune des dépotoirs néolithiques et surtout de la façade atlantique. C'est encore consommé jusqu'à il y a très peu, enfin jusqu'à ce que globalement ça devienne des espèces protégées, tout comme le cormoran, hein, de la même manière. Donc il y a de fortes chances que, en effet, les ossements d'alcidés qu'on ait et de cormorans démontrent d'une consommation de ces oiseaux marins. C'est beaucoup moins évident, en effet, pour le goéland, parce que le goéland n'a pas forcément une bonne réputation. On sait que les œufs de goéland étaient prélevés en contexte insulaire il y a encore très, très, très peu de temps. Mais le problème des ossements d'oiseaux, c'est que souvent, ils ne présentent pas de traces de découpe. Donc il est difficile de dire si on a affaire à des accumulations naturelles d'oiseaux qui sont venus mourir là et qui se sont déposés au gré des vents et des tempêtes, ou bien alors des oiseaux qui ont vraiment été consommés par l'homme. Oui, le cormoran est largement consommé de par le monde encore de nos jours. La pêche aurait pu se pratiquer dans la zone de balancement des marées, et bien sûr on pêche le bar. Ah oui, on pêche beaucoup le bar ou la dorade royale. Ça fait partie des espèces un peu emblématiques de Molène. Mais clairement, on a affaire à des poissons qui sont tous pêchés depuis la côte. Et on a très peu de poissons pélagiques, voire pas du tout. Bien alors, c'est vraiment un individu égaré comme ça de temps en temps. Donc, ce n'est pas une pêche qui se fait, par exemple, avec des lignes ou des hameçons. C'est vraiment une pêche qui est faite au moyen de piégeage sur l'estran. Et en fait, ces pièges, on a commencé à les inventorier, à travailler dessus. Ce sont les barrages de pêcherie. On doit être autour de 35 dans l'archipel de Molène. Et globalement, ils ont tous été pêchant entre le début du néolithique et le bronze ancien. Puisque nous sommes sur une île, avons-nous la mise en évidence d'un système totalement autarcique ou tout au contraire ? En fait, c'est un peu des deux. Je pense que quand on vit sur une île, il y a un côté autarcique d'une certaine manière. Là, il y a une société qui se développe sur cette île. Et puis, l'île se retrouve un peu coupée du monde par moment, notamment l'hiver, lors des grandes tempêtes, etc. Jusqu'à une période récente, on ne prenait pas la mer. On était bloqué sur son île pendant l'hiver. Et c'était d'autant plus vrai au néolithique ou à l'âge du bronze. Ceci étant dit, on voit clairement qu'à travers la surproduction de lait, la production de certaines céramiques, la production de poissons séchés, qu'il y a certainement des échanges entre les îles de l'archipel, notamment les plus grandes, où on sait qu'il y a également des communautés de l'âge du bronze ancien qui sont pérennes, donc sur l'île de Kemenes, sur l'île de Beniguet et sur l'île de Molène, ce sont les trois îles principales. Et par ailleurs, certainement des liens avec le continent aussi, puisqu'on voit que ces céramiques à engobe rouge qui sont produites sur Molène avec de l'argile récupérée sur l'estran, en fait, on a des exemples de diffusion sur le continent de ce type de céramique, de petits gobelets à anse, très très fins, très très bien produits. Enfin, c'est vraiment de la céramique de très grande qualité. Ivan Payet, retour vers la Manche et le Cotentin. Nous retrouvons Anthony Lefort sur la plage, où il a fouillé donc à Urville-Nacqueville. On est sur une plage, donc ce qui implique de fouiller justement en fonction du calendrier des marées. Dans l'année, on peut fouiller à peu près entre 10 et 15 jours consécutifs par campagne. Puis évidemment pomper l'eau qui ruisselle sous la dune et puis qui revient avec les marées hautes aussi. Donc vous avez 12 heures pour fouiller ? On arrive à travailler sur des journées normales, hein, des journées de 8 heures, mais voilà, seulement pendant 10 à 15 jours, seulement avant que les coefficients soient trop importants pour intervenir. Et c'est à quelle saison ça ? On cible uniquement les périodes où on a un coefficient inférieur à 80, qui en tout cas sur ce site en particulier nous permet de travailler à l'abri de la marée haute. C'est incroyable, vous êtes à 20 mètres de la mer là. C'est une fouille vraiment atypique de ce point de vue-là, puisqu'il faut évidemment s'adapter à cet environnement en particulier. Et ce qu'on fait justement pour gagner des jours supplémentaires d'intervention, c'est qu'on constitue une digue avec le sable issu du décapage du site. Et cette digue est censée nous faire gagner quelques jours de plus pour retenir justement la marée montante hein, qui... autour d'un coefficient de 80. Des fois, on a été joueur, on est monté jusqu'à 90, presque 100. Et là, évidemment, cette digue avait justement tout son sens, hein, parce qu'elle nous permettait vraiment de gratter des journées d'intervention supplémentaires. Donc, effectivement, c'est un terrain vraiment très particulier qu'il faut connaître, hein, simplement. Donc là, on a travaillé plusieurs années consécutives, donc l'équipe a acquis de l'expérience de ce point de vue-là. Mais effectivement, donc, ça suppose aussi d'être très réactif. Donc ça, c'est une des grandes fiertés qu'on a sur ce site, c'est qu'on a formé des collègues bénévoles hein, qui sont maintenant aguerris à l'intervention sur le littoral. C'est une richesse humaine, en fait, de cette aventure. Donc, bien sûr, l'estran est quelquefois ennoyé. Votre fouille peut être noyée d'un seul coup ? Alors, elle peut être noyée d'un seul coup si on a la digue qui cède. C'est arrivé une fois, sans dommage pour les vestiges qu'on avait pu mettre au jour, bien heureusement. Mais le but, c'est quand même que cette digue, elle tienne, hein, évidemment, donc de pas trop jouer avec le feu. Alors, si vous étiez là, c'était pourquoi ? C'est parce que c'était un beau site ? Alors, c'était un site un peu particulier dans l'historiographie bas-normande. C'était en fait une arlésienne, un site qui était connu déjà depuis le 19e siècle, connu, plutôt signalé que connu, qui était connu pour la découverte de différents types d'objets de la fin de l'indépendance gauloise, vraiment particulier, atypique, exotique également dans la région, à savoir des amphores républicaines par exemple, de la parure en verre ou en ambre, autant de vestiges qui sont vraiment très rares en fait dans la région. Un site vraiment très particulier, qui moi m'importait en fait personnellement dans le cadre de mes recherches quand j'étais étudiant, qui portait sur la question des relations transmanches à la fin de l'âge du fer, voilà, m'interpellait. Et me laisser envisager la présence d'un site impliqué dans les réseaux d'échange dans le nord-ouest de l'Europe. Alors vous êtes revenu donc pour opérer des fouilles ? Donc on a commencé par réaliser ce qu'on appelle un diagnostic archéologique finalement, hein, de la même manière qu'on réalise dans le cadre de l'archéologie préventive. Donc ce diagnostic nous a permis de mettre en évidence deux secteurs bien distincts mais contemporains, deux secteurs qui sont séparés d'à peu près 300-400 mètres, à savoir un secteur oriental dévolu plutôt à des activités domestiques, artisanales et commerciales, et un secteur à l'ouest qui lui est plutôt funéraire, hein, puisqu'on a pu étudier une nécropole de cette période-là. Alors là, on est où ? En bord de plage ? On s'est abrité derrière une maison qui a un petit mur donc parce qu'il y a un vent à décorner les bœufs. Alors là, on est justement sur l'emplacement de la nécropole. Manque de chance pour cette maison, hein. C'est la seule maison qui est bâtie sur la dune, sur la commune d'Urville, en tout cas sur ce point de côte. Et en fait, cette maison est construite sur le, non pas un cimetière indien, mais un cimetière gaulois. Donc ce cimetière, hein, il se prolonge, hein, là où on est actuellement, hein, sur la dune, et il se développe encore à l'arrière, sous la dune et le chemin et la route pardon, actuelle. En tout cas, la maison, tôt ou tard, elle partira à la mer. Votre site, votre nécropole, c'était une nécropole importante ? Oui, c'est une nécropole assez importante, puisqu'on a pu mettre au jour à peu près 120 individus, ce qui, pour l'époque, la fin de l'époque gauloise, est vraiment considérable. Alors évidemment, ce chiffre, il faut le pondérer, hein, parce qu'une des particularités de cette nécropole est qu'elle rassemble des défunts issus de tous les âges. C'est-à-dire qu'on a des sujets morts en période périnatale, jusqu'au sujet adulte, et donc on a une très grosse représentation des enfants. L'intérêt de cette nécropole est également, donc justement, de ce fait-là, de représenter ce que les paléodémographes appellent une population naturelle, qui ne semble pas être recrutée par des filtres comme la sélection de l'âge. C'est vrai que les nécropoles qu'on connaît de la fin de l'âge du fer, de la Tène finale en particulier, ne regroupent généralement que des sujets adultes, ce qui pose la question justement du traitement de ces sujets immatures. Or, dans la nécropole d'Urville-Nacqueville, on a tous les âges représentés. Alors du coup, ça pose des questions justement sur les pratiques funéraires propres à cette population. Est-ce que c'est une pratique qu'on peut considérer comme représentative hein, des pratiques funéraires dans le Nord-Cotentin, ou est-ce que c'est vraiment propre à cette communauté, propre à ce site qui ne trouve pour l'instant pas de comparaison régionale. Vous allez refouiller un de ces jours ? Alors pour le moment, le dossier est clos. J'aimerais intervenir une dernière fois avant de m'atteler à la publication monographique du site. Une dernière campagne qui porterait sur l'habitat, qui reste encore à approfondir selon moi. Mais ça, voilà, on va laisser le temps de la réflexion et puis la concertation avec les différents partenaires, et notamment avec le service régional de l'archéologie de Normandie. En tout cas, c'est incroyable de voir cette plage, de savoir que donc on a une nécropole gauloise en dessous. On continue notre périple. Je me suis rendu au manoir du Tourpe, à Aumonville-la-Rogue, pour voir l'exposition « Le peuple des dunes, des Gaulois sous la plage ». Anthony Lefort, votre site donc était bien sûr très particulier, notamment pour les vestiges ligneux qui sont extrêmement bien conservés. Oui, alors on a une conservation différentielle sur le site, hein, donc tous les vestiges organiques n'étaient pas conservés. On a accès quand même à une partie seulement. Mais oui, on a eu accès justement à des données environnementales de premier ordre, notamment hein, les graines, les pollens, les branchages également, les feuilles des arbres qui tombaient dans les fossés par exemple. Donc on a eu accès à des données environnementales vraiment intéressantes. Et le clou, c'est une sorte de bout de bois qui est juste là ? Ben oui, alors là, du coup, ce bout de bois, ça a été une très grosse surprise, hein, puisqu'il s'agit en l'occurrence d'un bâton de jet. Plus communément, on va dire un boomerang, hein, même si le boomerang est une sous-famille de cette grande famille des bâtons de jet, qui a la propriété de revenir en direction de son lanceur, ça revient pas dans la main non plus. Hein. Donc là, on a un bâton de jet qui n'avait pas cette propriété, donc c'est pour ça qu'on dit pas, c'est pas un boomerang à proprement parler, mais c'est une arme de chasse qui est universelle, qu'on retrouve sur tous les continents à toutes les époques. Alors c'est vrai que quand nous on a découvert cet objet dans un fossé qui délimitait une partie de l'habitat du site, on a appelé ça le boomerang entre nous parce que la forme voilà, faisait furieusement penser à un boomerang, mais on n'a pas du tout cherché, on n'a pas du tout creusé cette piste-là, hein, puisque bon, on ne pouvait pas imaginer des Gaulois avec de tels ustensiles. Quand on était au fin fond de l'impasse, hein, quand on s'est dit bon, on va quand même aller creuser cette piste, et qu'on s'est rendu compte que finalement cette arme était vraiment universelle. Et moi, l'exemple qui m'a le plus frappé et que j'aime bien citer à chaque fois, c'est la tombe de Toutankhamon, hein, parce qu'il y a, pour ceux qui ont la chance d'aller visiter son riche mobilier funéraire, voilà, hein, ils ont peut-être été frappés par ces objets. Hein. Il avait une caisse dans laquelle il y avait une quarantaine de ces bâtons de jet. Ce bâton de jet, il était également accompagné d'une autre arme de chasse, en l'occurrence cette paire de bolas. Ce sont des sortes de gros glands en bois qui étaient reliés par une ficelle et qui étaient utilisés également pour la chasse. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est bien sûr sur des sites très très particuliers, en bord de mer, et on aurait de la chasse à la baleine ? Oui, alors là, non, on est plutôt sur un échouage de baleines, hein, puisque les différents ossements qu'on a pu retrouver sur le site ont été identifiés par Patrice Méniel comme appartenant à probablement un seul individu. Donc, on a écarté hein, cette possibilité de chasse à la baleine. En tout cas, ils l'ont récupéré et ils l'ont dépecé, visiblement. Manifestement, oui, ils l'ont dépecé, puisque ces ossements portent encore les traces de son débitage, son écarissage même. On a les traces de feuilles de boucher, voire même de haches, sur certaines côtes, par exemple. On a également des tronçons hein, de côtes qui ont été débités à la scie, de manière à récupérer des baguettes utilisables, notamment dans le cadre de l'artisanat de l'os, hein, la tabletterie notamment. Et également une vertèbre hein, dont les apophyses ont été sciées. Et puis, la particularité du site, ce sont des objets en lignite, des objets exotiques, puisqu'il n'y a pas de lignite en Normandie. Oui, alors régionalement aussi, on connaît des gisements, mais ils ne sont pas accessibles, en fait, dans la région du Havre. Mais non, en fait, archéologiquement, on n'a pas d'exploitation du lignite, parce qu'on n'a pas la ressource, tout simplement, régionalement, même de manière plus large, hein, dans l'ensemble de l'Armorique. Et les ressources les plus proches sont dans la baie de Kimmeridge, qui fait face au Cotentin. Cyril Marcini, c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, puisque vous travaillez aussi sur les relations entre l'Angleterre et la France. J'ai souvenir d'un sujet avec vous sur une archéologie du Brexit. Ce sont des objets qui ne sont pas finis. Comment se fait-il ? Eh ben, en fait, le matériau qui était échangé était un matériau quasi brut, enfin juste un peu épanelé. En tout cas, c'est un matériau intéressant, effectivement, parce qu'il il renseigne parfaitement les échanges transmanches. De toute façon, c'est un site qu'Anthony a fouillé initialement parce que c'était un site qui était en lien avec les échanges transmanches. C'était une grosse problématique du site, hein, et le lignite était en tête hein, du tableau de ce qu'il fallait chercher. Donc on sait qu'il y a des blocs de lignite qui arrivent probablement de la région de Kimmeridge, qui sont finis sur place presque finis sur place avant d'être diffusés ailleurs. Et il n'y a pas que des bracelets, il y a aussi probablement des perles et des vases. Et récemment, on a trouvé de la lignite en pleine mer. Oui, alors là, c'est une sorte de scoop. On a des amis qui sont marins-pêcheurs hein, et qui ramènent des blocs depuis quelques années, et beaucoup de blocs, hein, à plus d'une dizaine, hein, qui rappellent complètement les blocs trouvés par Anthony sur le site, hein, les blocs de lignite. Une épave ? Ouais, probablement une épave ou des épaves. Parce que c'est très dur de pouvoir localiser l'endroit exact d'où viennent ces petits pains de lignite. En tout cas, ça voudrait dire qu'il y a des échanges soutenus et qu'il y a des épaves à aller chercher sous l'eau, ce qui est difficile en mer de Manche. Vous avez des pièces en or, vous avez des vases, vous avez des amphores romaines. Ce genre de sites-là sont des sites capitaux extrêmement riches qui nous livrent des informations que l'on a très rarement quand on fouille à terre. C'est le genre de site qu'il faut désormais fouiller ? Alors, c'est pas uniquement le genre de site qu'il faut fouiller, mais en tout cas, c'est le genre de site qu'il faut fouiller pour pouvoir avoir une modélisation complète d'un petit territoire. Pendant trop longtemps, on s'est contenté de ce qu'on sortait en archéologie préventive ou en archéologie programmée à l'intérieur des terres. On a tous créé des modèles d'occupation du territoire à l'époque gauloise ou à d'autres époques, hein, et on a un peu oblitéré cette partie maritime, en fait, hein, pourtant on est dans une région où la mer est importante, hein, et donc du coup, les sites comme les ports, les sites à fonction économique pour la fabrication du sel, par exemple, pour le bouillage de sel, tous ces sites-là, on les avait forcément en arrière-plan, mais on ne les utilisait pas dans une modélisation territoriale. Maintenant, grâce aux fouilles d'Anthony, on peut les inclure dans la modélisation. Et les travaux maintenant conduits un peu partout sur le littoral par Henri Grandois et Cyril Billard permettent justement de créer une base de données de ces sites en fait, pour pouvoir alimenter de nouveaux modèles d'occupation de l'espace. Ivan Payet, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Une maison sous la dune, Beg Harlwed, Il Molène, publié chez Sidestone Press, donc à Leiden. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Philippe Mercher, et bien entendu avec Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, où vous retrouvez plus de 300 archives sur le site inra.fr.